hologrammes fous sillonnent le rivage, chantant les rendez-vous de l'aube sur la plage. L'herbe est tendre, les fruits lactés et l'eau étrange, sanguine ou bleue sous la fraîche vapeur d'orange. Des horlogers rameurs en canoë et kayak affrontent avec ardeur le courant, le ressac. Une rive s'éloigne quand l'autre se rapproche, le phare a des lueurs qui syncopent la roche. Je quitte la maison, vers d'autres horizons, je traverse les mers, suivre les oies sauvages, de colline en village. Les hologrammes flous s'effacent sans embâge, livrant aux yeux jaloux de curieux marécages. Les heures semblent s'enliser, mais le sable file, long et serré entre les pommes malhabiles. Les hableurs ne croient pas au destin, aux signes avant-coureurs ce sont des clandestins. Leurs embarcations près des algues qui s'accrochent peinent au vent sous la lampe de trop vieux gavroche. Je quitte la maison, d'autres horizons, je traverse les mers, suivre les oies sauvages, de colline en village. Les hologrammes roux muets en sarcophage n'ont cure des rendez-vous de l'aube sur la plage, où l'air est si flué qu'on n'y respire guère que les effluves orangés d'un automne amer. L'horloger vespéral a noyé son passé dans le reflux fatal de ma vague brisée. Une rive s'éloigne quand l'autre se rapproche, tout autour l'horizon fait figure de reproche. Je rentre à la maison, je peux suivre à l'envers le vol des oies sauvages, le nuage en mirage. Je suis le mouton d'espace, je suis le mouton, je suis le mouton d'espace.